entre autres, du thème de l'amitié. Parce que Jésus, on parlait là du souper auquel Jésus participait. Et puis, il était trahi, hein, trahi par ses amis, trahi par Judas. Mais on a aussi conclu qu'il était également trahi par Pierre, trahi par tous, parce que tous l'ont abandonné. Moi, je suis un de ceux qui pensent que Judas aurait pu être pardonné. Et peut-être qu'il l'a été aussi, je ne sais pas. Ça appartient à Dieu, ça ne m'appartient pas. Mais Judas, dans un temps de découragement, hein, bien, il s'est enlevé la vie. Mais on parlait de l'amitié, des amis. Et puis, Maryse, cette semaine, m'a envoyé un beau diaporama sur les amis. Et d'ailleurs, j'ai bien l'intention de l'envoyer à certains de mes amis pour leur rappeler que je suis encore leur ami, puis de comment aussi que je m'attends que mes amis se comportent envers moi. Hein? Comment on se comporte envers nos amis? Jésus avait dit de ses disciples, je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami. Ami. Regardons ce diaporama et puis pensons à la façon dont nous, on peut être des amis pour d'autres, parce qu'on parle aussi d'amitié spirituelle. Et certains dans le groupe disaient, hein, qu'ils n'avaient pas de véritables amis intimes. On a prié dans ce sens-là, hein, de trouver des amis, d'avoir quelqu'un à qui on peut se confier. Puis de développer une amitié spirituelle aussi, dans le sens qu'on peut partager l'essence de notre vie. Parce que nous vivons en référence à Dieu, hein, on aimerait trouver des amis avec qui on peut partager cette essence de notre vie. Faites penser donc à l'ami que vous êtes pour d'autres, et que d'autres pourraient être pour vous. Hein? Et puis aussi penser à cet ami que Dieu est pour nous. Tout ce qu'on va voir dans le diaporama, Dieu l'est pour nous. Jésus est ce genre d'ami. Des belles paroles, hein? Des belles paroles. Avez-vous de tels amis? Répondez pas. C'est difficile. Avez-vous de... Ne répondez pas. Avez-vous de tels amis? Est-ce que nous sommes ce genre d'amis? Est-ce que nous sommes ce genre d'amis pour d'autres? C'est une bonne question à se poser, surtout en ce début de nouvelle année, 2011. Je pensais ce matin, entre autres, on chantait, hein? On chantait qu'un jour, toute langue va confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Dieu est le Dieu des nations. De toutes les nations, Dieu aime toutes les nations également. Également. Parfois, on a tendance à penser que Dieu aime plus les Canadiens, les Américains, les Européens. Mais Dieu aime toutes les nations également. Right? Et je pensais ce matin, justement, hein, on regarde les nouvelles, puis on aime ça comme communauté, ne pas oublier qu'on ne vit pas dans un vase clos, mais qu'on vit dans une société et que Dieu est concerné par tout ce qui se passe sur la planète. Que ce soit les inondations en Australie. Les inondations aussi, les éboulements au Brésil, à Rio de Janeiro, ou que ce soit ce qui se passe en Tunisie avec le. Je sais pas si c'est pas vraiment un coup d'État, c'est pas un coup d'État, mais c'est ça, c'est un soulèvement de la foule populaire. OK. La révolution du jasmin, est-ce que c'est le riz jasmin? C'est leur terme qu'ils OK, la révolution du jasmin. Et puis, donc Dieu est soucieux de toutes ces situations dans le monde. Hein? Puis, lorsque on pense à la prière, on doit penser aussi avoir une pensée pour ce qui se passe parmi d'autres peuples, chez d'autres. OK, ce matin, donc, nous allons aborder un thème qui va durer 2 semaines, donc cette semaine, la semaine prochaine. Je pourrais apporter le thème de façon magistrale ce matin en disant mes notes, mais j'aime ça aussi, hein, je pense, dans le contexte de cette communauté, on aime parler, on aime aussi dialoguer ensemble. Fait que, on va aborder le thème d'Abraham. J'ai intitulé notre réflexion, notre partage pour ces 2 semaines de randonnée, hein, une randonnée avec Abraham. Une promenade, hein, une promenade qu'on fait avec Abraham. Et c'est en lien un peu avec ce que j'ai partagé la semaine dernière, mais ça va au-delà. Ça va au-delà de ce que j'ai partagé la semaine dernière. Parce que probablement en février, mars, on va suivre avec un autre thème, le thème du royaume de Dieu, du projet de Dieu. Il y a Brian McLaren qui a écrit un livre, et ceux qui connaissent Brian McLaren, qui a écrit le livre, on fait perdre mon. Hein? Brian McLaren. Réinventer l'Église. Hein? Plusieurs ont lu le livre, Réinventer l'Église par Brian McLaren, puis a écrit un livre, entre autres, qui s'appelle The Secret Message of Jesus. Le message secret de Jésus. Pas sûr que le message était si secret que ça, mais on va y venir plus tard, en parlant du royaume de Dieu. Mais, donc, c'est toujours un lien. Il y a un lien qu'on va faire avec tous ces partages. Faites une randonnée avec Abraham. Et je vais me servir comme texte de départ, Genèse chapitre 12, verset 2. Et puis je vais le citer à partir de la version œcuménique, la Taube. On peut le lire aussi si on veut dans la version Semaan. Quelqu'un a la Semaan? Quelqu'un a la Semaan? Personne n'a la Semaan? Voyons donc. Voyons donc. Wow! OK, bon, je vais le lire. Genèse 12, verset 2, dans la Semaan. Le verset se lit comme suit. Parce que la Semaan, c'est la version que Jésus se servait. En fait, ah, c'est une blague. Les gens disent ça habituellement pour la King James Version. Ouais. OK. Donc, Genèse 12, verset 2, « Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. » Et j'insiste sur le fait que Dieu dit à Abraham, « Tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. » La Taube, traduit différemment, ou la Taube, si vous aimez mieux, donc, la Taube dit, « Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, je magnifierai ton nom, soit une bénédiction. » Voyez là? Au lieu d'être « tu seras », c'est « soit ». C'est un commandement, c'est un impératif. « Soit une bénédiction. » En fait, je pense que la vie d'Abraham peut nous inspirer comme croyants, aussi bien que nous allons tenter de tirer quelques leçons de la vie d'Abraham. Mais avant de commencer notre randonnée avec Abraham, je veux introduire par un clin d'œil à un autre homme. Qui précède Abraham, qui s'appelle Enoch. On pourrait dire que si Abraham est appelé le père de la foi, on dit ça, Abraham est le père de la foi. On pourrait dire que Enoch est le père de la marche avec Dieu. Dans Genèse chapitre 5, versets 21 à 24, le récit de Enoch nous est raconté. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu. Maintenant, je ne sais pas si c'était des années de 365 jours. Il y a une discussion théologique par rapport à ça. Tu sais? On s'entend? Il marcha 300 ans avec Dieu et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit avec lui. C'est une autre version. Que Enoch est disparu. Lorsque j'avais 16 ans, j'enseignais à l'école du dimanche. Ça, c'est un petit message subliminal que j'envoie, mais les jeunes ne sont pas là ce matin. Ils sont dans la classe. On peut commencer très jeune à enseigner, puis à participer, à contribuer à la communauté. À 16 ans, j'enseignais l'école du dimanche à mes neveux et mes nièces, entre autres, parce que notre église était composée de trois grandes familles, de Leboeuf, de la Berge, de la Belle. Ça fait que il y avait beaucoup de petits-enfants, des neveux, des nièces, toutes des grandes familles. Et puis, donc, j'enseignais l'école du dimanche à ces petits-enfants. Et un jour, la leçon portait justement sur Enoch. Et le livre du moniteur nous suggérait de raconter une histoire aux enfants, que je vais vous raconter ce matin. Okay? Puis l'histoire voulait qu'un jour, une jeune famille qui revenait de l'église, il rentre à la maison et la maman demande à son garçon qui a 6-7 ans, elle lui demande, puis, comment ça a été à l'école du dimanche ce matin? Et l'enfant répond, ah, ça a bien été. Oui, c'était bien. La maman demande, mais telle histoire est-ce que la monitrice vous a enseigné ce matin? Bien, elle nous a parlé des notes. Fait que la maman dit, oui, bien, qu'est-ce que la monitrice a dit par rapport à Enoch? Alors, le garçon dit, « Ben, la monitrice a dit que Enoch marchait avec Dieu. Puis, il marcha encore avec Dieu. Puis, il continua à marcher avec Dieu. Puis, un jour, Dieu lui a dit, « Enoch, tu es rendu trop loin de chez toi, tu es plus près de chez moi, viens-t'en donc chez moi. » Ma réflexion de ce matin, c'est, Et si c'était aussi simple que ça? Qu'est-ce qu'on appelle, on met en guillemets, être chrétien ou la vie chrétienne? C'était aussi simple que de marcher avec Dieu. Et Enoch en est un qui marchait avec Dieu. Qui marchait avec Dieu. Et un jour, il ne fut plus. Abraham en est un autre aussi, qui marchait avec Dieu. Juste une petite, une autre peut-être anecdote. Ça vous est peut-être arrivé aussi de voir la même chose. Et parfois, l'été, moi je demeure tout près du parc La Fontaine. À une rue du parc La Fontaine. Alors, je traverse la ruelle et je suis rendu au parc La Fontaine. Alors, souvent l'été, moins souvent l'hiver, du moins pas cet hiver. Cet hiver, je suis un petit peu plus paresseux. Il me semble que le froid, c'est humide. Mais, habituellement, je fais une marche au parc La Fontaine. Mais souvent l'été, hein, on va voir donc des parents qui vont se promener avec leurs enfants, leurs petits-enfants dans le parc de la Fontaine. Et puis, là, tu vois, et je me souviens d'avoir vu, hein, d'avoir vu un père, entre autres, hein, qui faisait des grands pas. Hein? Grands pas. Mais pour le grand pas que le papa a fait, tu vois le petit bonhomme qui en fait. Hein? Tu en fais cinq pour le grand pas que le père fait. Là, si on parle de marcher avec Dieu, je vous dirais que Dieu respecte notre cadence. Dieu respecte notre cadence. Il y a des papas qui ne respectent pas la cadence de leurs enfants. Hein? Ils oublient que l'enfant, il ne fera pas un grand pas comme lui. À un moment donné, hein, le père est obligé de prendre le bain, l'enfant dans ses bras parce que l'enfant ne marche pas assez vite. Dieu respecte notre cadence. On va souvent dire dans notre communauté, je le dis, que nous respectons le cheminement de chacun, le parcours de chacun. Il y a parfois dans certaines communautés, hein, il y a, et j'ai déjà fait partie d'une communauté, d'ailleurs, j'étais pasteur de ces communautés, où on mettait un emphase sur la croissance spirituelle. Il fallait que tu grandisses vite. Hmm? On avait des cours accélérés pour faire de toi un disciple de Jésus rapidement. Hein? Et puis, c'est ça. Il n'y avait pas, donc, dans ce cadre-là, un respect du cheminement, du progrès, de la cadence. J'aimerais qu'on retienne ça en étudiant la vie d'Abraham, en regardant Abraham, que Dieu a respecté la cadence d'Abraham. La Bible est un livre d'histoire. C'est l'histoire de Dieu, hein? L'histoire de la relation de Dieu avec l'humanité. La Bible, donc, est un livre d'histoire qui raconte l'histoire de Dieu et comment nous entrons dans son histoire. Nous entrons dans l'histoire de Dieu, on s'insère dans l'histoire de Dieu à différents moments. Hein? Abraham, dans l'histoire chronologique, Abraham est entré dans l'histoire de Dieu. Nous, nous entrons beaucoup plus tard, mais c'est toujours la même histoire. On est dans l'histoire de Dieu. On réalise qu'il y a plusieurs histoires, hein, ou des contes pour enfants, et même pour adultes aussi, commencent par « Il était une fois ». L'histoire de Dieu commence un peu comme ça aussi. Hein? « Il était au commencement. » Hmm? L'histoire de Dieu commence. Dans son livre « The Story We Find Ourselves In » par Brian McLaren, le premier de sa trilogie, ça c'est le premier livre qu'il a écrit. Vous m'entendez souvent citer Ellul, Tournier. Ce matin, ça va être Brian McLaren. Donc, dans sa trilogie, où si vous aimeriez lire un bon, hein, c'est romancé, là, mais c'est un peu comme une. Brian McLaren essaie dans ces livres-là, dans cette trilogie, à illustrer une émergence d'une autre façon, d'une autre compréhension par rapport à Dieu. Et puis, un peu, c'est le Chacte nous introduit aussi, hein, le livre Le Chacte, qu'on a déjà beaucoup discuté, partagé sur ce livre. Et dans ce livre, The Story We Found Ourselves In, un moment donné, il y a Terry, qui est un jeune homme qui est en recherche. En recherche, il n'est pas trop sûr de, disons, du christianisme, pas trop sûr, il est plutôt agnostique, et puis il ne comprend pas tout à fait le message de la Bible. Et là, donc, la personne qui s'entretient avec lui va dire ceci à Terry, parce que le jeune homme s'appelle Terry. Bien, c'est là où entre en ligne de compte l'histoire, Terry. Je crois que nous sommes reliés au Créateur irrévocablement par une histoire. Une histoire vraie qui commence par les mots « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Une histoire qui finit par « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Cette histoire qui commence et se termine avec la création et dont le sujet de l'histoire est la création entre son commencement et sa fin, et nous nous trouvons dans cette histoire, entre le commencement et la fin. On se retrouve dans cette histoire-là. C'est vrai, ce n'est pas la seule histoire qui essaie d'expliquer où nous sommes, qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Il y a d'autres histoires semblables sous bien des points, mais profondément différentes aussi. Il y a d'autres histoires. Et pour peut-être, pour ceux qui sont au courant de d'autres cosmogonies que celles que la Bible nous présente, il y a d'autres histoires semblables. Mais l'histoire que la Bible nous présente, puis j'aime dire, quand je me demande si je suis un croyant, j'aime dire que je suis un croyant, oui, au Dieu de la Bible, mais non au Dieu de Jésus-Christ, parce que ma vie se vit en référence au récit de la Bible, que la Bible présente. Donc, il y a d'autres histoires qui existent. Mais l'histoire que la Bible présente du commencement, de la cosmogonie, comment que Dieu a créé le monde, demeure une histoire profondément différente à cause d'un Dieu qui s'investit dans sa création. Dieu s'investit dans sa création. Dieu ne demeure pas extérieur à, mais il s'intéresse et nous rentrons dans son histoire. Par rapport à ça, juste une petite parenthèse que je voulais faire. H.W. Tozer, qui était un grand prédicateur, Tozer, T-O-Z-E-R, il faut faire une recherche sur Internet si vous voulez, H.W. Tozer, dont j'ai lu la plupart de ses livres, un auteur que j'aime bien, un homme qui réfléchissait et qui essayait d'articuler le message pour sa génération, le message de la Bible. Et puis, il est décédé maintenant. Mais il disait entre autres, et je l'ai déjà cité, je le recite encore ce matin, « Le péché d'une société profane est la volonté de la société humaine d'être absorbée par un monde sans Dieu. » Je le cite là, parce qu'on vient de dire, on vient de citer Brian McLaren qui dit, par rapport à l'histoire, il y a d'autres histoires. Puis déjà, s'il y a des personnes, d'autres gens qui croient à une autre histoire, déjà c'est mieux que de ne pas croire à une histoire pantoute. On se comprend-tu? Je vais y revenir. Alors, il dit, le péché d'une société profane est la volonté de la société humaine d'être absorbée par un monde sans Dieu. C'est encore le suprême péché de l'homme non régénéré que même si Jésus-Christ est venu dans le monde, il ne peut sentir sa présence ambiante, il ne peut voir la vraie lumière, ni ne peut entendre la voix qui l'appelle. Donc, lorsqu'il parle d'une société profane, c'est une société absorbée par le matérialisme, hein, la consommation. On parle beaucoup, ces dernières années, on parle beaucoup de l'islam, hein, des musulmans, qui se prosternent 5 fois par jour pour la prière. Les chrétiens ont de la misère d'aller une fois par semaine à l'église. Tel message qu'on leur envoie, tel... Comprenez-vous? Tel message qu'on leur envoie. L'hindou, lui, va faire son chemin jusqu'au Gange pour s'y baigner et ainsi accomplir le rite de la purification. Et c'est tout un cheminement qu'il fait. Ce qui fait dire à A.W. Tozer, un peu plus loin, toujours dans le même auteur, le même livre, Tozer va dire ceci. Je préférerais être un musulman ou un hindou, ou même un homme tribal demeurant dans une hutte infecte de la jungle africaine, s'agenouillant devant des amulettes et répétant des incantations, plutôt que de me présenter au jugement de Dieu comme un homme d'affaires occidental, autosuffisant, qui a banni Dieu de sa vie, de ses affaires et de sa famille. Moi, j'ai déposé le livre, hein, et j'ai pris un grand respire, puis j'ai dit, ouf, ouf. Vous voulez que je répète le paragraphe? Je préférerais être un musulman ou un hindou ou même un homme tribal demeurant dans une hutte infecte de la jungle africaine, s'agenouillant devant des amulettes et répétant des incantations, plutôt que de me présenter au jugement de Dieu comme un homme d'affaires occidental, autosuffisant, qui a banni Dieu de sa vie, de ses affaires et de sa famille. C'est pourquoi je le disais tantôt, il y a d'autres histoires. On vit dans une société multiculturelle. C'est l'effort que nous faisons comme communauté, hein, de ne pas être enfermé dans une boîte, d'être une communauté avec des fenêtres, puis des portes, puis de voir, hein, qu'il y a d'autres discours qui se tiennent, il y a d'autres histoires. Et ce que Abdelmet Tozer est en train de dire, c'est que, bon, Brian dit, l'histoire de la Genèse, l'histoire de Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, est encore l'histoire, à mon avis, la plus plausible. Et celle dans laquelle je veux me retrouver. Mais les autres histoires, ben, Abdelmet Tozer va dire, je préférerais, encore là, être un musulman, être un hindou, ou être un homme tribal dans la jungle africaine avec mes amulettes, parce que du moins là, je ne suis pas en train de vivre une vie autosuffisante comme si je n'avais pas un créateur. Je suis en train de reconnaître sous d'autres formes qu'il y a un créateur. Il y a quelqu'un qui m'a créé. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission Crash. Il y a une série d'émissions depuis vendredi soir à Radio-Canada. Ça va durer 4 semaines. Ça s'appelle Crash. Ça porte sur le crash de l'année 2008, hein, le crash financier. Et puis, j'ai regardé. Et puis, c'est très instructif, hein? Très instructif. Mais en même temps, ça vient valider ce que Tozer est en train de dire. Hein? Et c'est encore là le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous nous retrouvons. Nous sommes là-dedans. à moins qu'on veut être, on veut s'enfermer dans une communauté religieuse et puis ou fréquenter une communauté chrétienne, une église qui ne parle que des bondieuseries. On comprend? Mais on vit dans un contexte social, économique, sociologique. On est en rapport, en lien avec eux. Et dans cette série, qui s'appelle, enfin, la première épisode s'intitulait « Les architectes de la ruine ». Qui sont ces hommes qui ont causé la ruine de 2008? Entre autres, l'émission est animée par Jean-François Lépine, journaliste que j'aime bien. Jean-François Lépine, entre autres, il va dire à propos d'un de ses personnages, qui était le PDG de la Lehman Brothers, Richard Fall, il va dire que c'était une vedette du Wall Street, le personnage le plus détesté, a témoigné devant le Congrès américain. Il va dire de lui, il a fait parler de quelqu'un d'autre, qui va dire que Dick Ford est un empereur, un être désagréable, arrogant. Ensuite, il va citer quelqu'un d'autre, il va parler de quelqu'un d'autre, Garrett Anderson, un ancien hippie qui vendait des babioles en Inde en 1996. Son frère a réussi à le convaincre à postuler pour un poste à la bourse, dont il obtient un poste. À la bourse, et puis donc il travaille pour une société de change, et puis de courtage plutôt. Donc, devenu agent d'une société de courtage, 8 ans plus tard, hein, lui qui en 1996 vendait des babioles en Inde, des cassins, 8 ans plus tard, il gagne un salaire de 300 000 par année, plus 700 000 de bonus par année. Maintenant, voici ce qu'il va dire. Hein, c'est quelqu'un qui travaillait à la bourse. Donc, il témoigne, puis il dit, on est là pour faire du fric et gonfler son bonus annuel. Pas pour améliorer le sort du monde. Si pour cela, il faut mentir, tricher et voler, on le fait. Hein, tu dis, hein, wow! Je retourne à ce que A.W. Tozer dit. Je préférerais être un Africain dans la jungle avec ses amulettes que de me retrouver devant Dieu comme certains hommes, pas tous, hein, mais on parle d'une catégorie de gens parfois, qui le vivent comme si Dieu n'existait pas. Notre histoire d'Abraham. Nous allons considérer la première partie des pérégrinations, des déplacements d'Abraham. On se rappelle que 3 grandes religions honorent déjà Abraham. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais je vais, avant d'aller plus loin, je vais juste vous rappeler une chose. Si l'islam, hein, les musulmans vont dire Dieu est grand et Mahomet est son prophète. Nous, comme chrétiens, et quand je parle à des musulmans, je leur rappelle ça. Je leur rappelle, oui, Dieu est grand. Mais tant que Mahomet soit son prophète, oui, Dieu est grand, mais nous, comme chrétiens, nous disons, Dieu est bon. Dieu est bon. Et il s'est manifesté en son Fils Jésus-Christ. Dieu a manifesté sa bonté dans la personne de Jésus. Alors, dans cette histoire dans laquelle on se trouve, l'histoire de Dieu, je pense que le trait ou la caractéristique principale qu'on retrouve de Dieu dans cette histoire, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu avec Abraham. Donc, Abraham, qui se trouve, on dit, honoré par, déjà par trois grandes religions. Abraham, qui est l'ancêtre, hein, l'ancêtre des Juifs et des Arabes, de par Isaac et de par Ishmaël. Des deux côtés, les descendants naturels révèrent Abraham à travers leur religion. Hein, ils honorent la mémoire d'Abraham. Nous, comme chrétiens, nous honorons la mémoire aussi d'Abraham parce que nous disons que Abraham est le père de la foi, le père des fidèles. Parce que la parole avait annoncé qu'à travers sa postérité, toutes les nations de la terre seraient bénies. Galates 3, versets 6 à 8, il va dire, Paul, en parlant, donc, va dire, « Or, il en était déjà ainsi pour Abraham, car l'Écriture déclare à son sujet, il a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Comprenez-le donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham, les véritables fils d'Abraham. De plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi, comme Abraham l'avait. C'est pourquoi elle a annoncé par avant cette bonne nouvelle à Abraham, « Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. » On revient à la marche d'Enoch. Quand je disais, et si la vie chrétienne était aussi simple que de marcher avec Dieu, et en référence à Dieu, d'avoir la foi en Dieu, comme Abraham a eu la foi en Dieu. Plus loin, toujours dans Galates 3, de versets 26 à 29. Donc, plus loin, l'apôtre Paul montre comment tous ceux qui veulent marcher dans les traces de Jésus se trouvent inclus dans la famille d'Abraham. Lorsqu'il dit, « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. » Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Il faut se rappeler aussi l'incomparable et singulier compliment que l'Écriture fait à Abraham. Quel compliment est-ce que la Bible fait à Abraham, entre autres? Sinon, c'est vu dans Ésaïe, hein? Deux textes qui nous parlent. Ésaïe 41:8, Jacques 2:23. Dans Ésaïe 41:8, le prophète Ésaïe met, hein, dans la bouche de Dieu, « Quant à toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami. » Quel incomparable compliment. On l'a dit tantôt, Jésus fait le même compliment à ses disciples. « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Dans Jean 2:23, il va dire, « Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et l'a appelé son ami. » Jean-François, tantôt, dans sa prière, mentionnait, « Dieu ne nous... » Comment tu le dis, Jean-François? Hein? Il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Hein? Dieu ne porte pas à notre compte de banque le débit de nos fautes, mais il porte dans notre compte de banque. On n'en a plus de livret aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas. Moi, je fais mes transactions par Internet. Je n'ai plus de livret. Mais anciennement, hein, tu voyais ton livret. Hein? Crédit débit. Le débit ne paraît plus. Le débit n'est plus là. Mais que Dieu porte au crédit ma foi. C'est tout. Ma foi. Marcher avec Dieu. En référence à Dieu, avec foi en Dieu. C'est important ce que les Écritures accordent à la personne et aux promesses d'Abraham. Il devrait nous procurer donc un grand respect pour Abraham. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. On va tirer quelques leçons de la vie d'Abraham, certains éléments de sa vie qui vont pouvoir nous enseigner d'importantes leçons à nous comme croyants. On l'a mentionné, Abraham est un personnage important de l'histoire juive, musulmane et chrétienne. Et pourtant, la Torah, hein, le cinq premiers livres de la Bible, que les Juifs, hein, enfin, hein, le peuple d'Israël, les vrais Israélites, les 12 tribus, pas l'Israël moderne, mais qu'on appelle communément les Juifs. Hein? Paul va faire toujours référence, les Juifs. Mais ça inclut aussi hein, les 10 autres tribus qui faisaient partie du peuple de Dieu. Dans ces 5 premiers livres, la Torah, Abraham, le personnage d'Abraham nous apparaît alors qu'Abraham a 75 ans. La Torah ne nous parle pas de ses antécédents, de sa jeunesse, comment Abraham est parvenu à une foi en un Dieu unique. Parce que dans l'environnement social où vivait Abraham, la Mésopotamie, Abraham vivait dans une société animiste où les gens adoraient les objets, aussi bien que emprunt de mythologie, on parle de la mythologie mésopotamienne, hein, semblable à la mythologie grecque, aussi bien que la mythologie hein, romaine, hein, il y a des points qui font surface. D'autres. La foi en un Dieu unique, Abraham a, parce qu'on dit que c'est à partir d'Abraham que la Torah nous montre un homme qui va croire en un Dieu unique et non pas à cette panoplie de dieux que la mythologie leur suggérait. Alors, l'histoire d'Abraham commence lorsque Dieu lui parle pour la première fois. Cela signifie qu'Abraham a passé toute sa vie sans prophétie. Hello? Hein? Parce qu'il y a certains groupes religieux qui ne peuvent. J'étais là. OK. Donc, il a passé sa vie sans prophétie, sans aucune sorte de confirmation venue du dehors, l'assurant de son intuition du monothéisme, sans aucun support. Mais voilà que Dieu s'adresse à lui. Donc, dans un monde entièrement païen, animiste, Abraham a choisi de voir et d'adhérer à la réalité d'un Dieu unique et de se consacrer à la mission de présenter cette réalité à la conscience humaine de ses contemporains. On achève, hein? Donnez-moi encore 5 minutes. Parfois, Abraham l'a fait aussi au péril de sa vie. Et j'ajouterai ici, non pas parce que Dieu a besoin que les gens meurent pour lui. Ouais. Il y a d'autres religions que Dieu demande que les gens meurent. Si Abraham a tenu à son intuition d'un Dieu monothéiste, hein, un Dieu unique, au péril de sa vie, c'est parce qu'Abraham, dans une réalité de vie, voulait défendre ses convictions, ses principes, au dépend même de sa vie. On a une belle illustration de Socrate, entre autres, hein, Socrate, qui aurait pu éviter la mort, mais qui, à cause de ses principes, a refusé de fuir et puis a subi la mort. On pense, je parlais de Tunis tantôt, hein, la Tunisie, là, ce soulèvement populaire en Tunisie. Ça a commencé il y a seulement quelques semaines. Comment ça a commencé? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous le savez? Un jeune homme, un jeune père de famille, dont il vendait, comme cela arrive souvent dans les... on voit en Haïti, on voit en République dominicaine, on voit dans plusieurs pays, vous allez aux Philippines, hein, les gens sur le coin de la rue vendent des babioles, vendent des fruits, des légumes, vous faites acheter du poulet. Hein. Ça m'a toujours étonné que les gens n'étaient pas malades. Alors que nous, on faut réfrigérer le poulet, puis eux, ils vendent le poulet, tu en plein soleil, puis tu dis, mes amis, ils vont être malades. Tout ça. Ce monsieur, un jeune homme, un jeune père de famille de 27 ans, si ma mémoire est bonne, qui vendait des fruits et légumes dans un petit kiosque. Et puis, un homme qui était au chômage, puis qui dépendait de la vente de ces fruits et légumes-là pour faire vivre sa famille, hein, maigrement. Et les policiers sont arrivés, et puis l'ont interdit de vendre, hein, l'ont chassé. Mais il est revenu, hein, ou s'est déplacé ailleurs pour revendre encore, parce que sa vie dépendait de ça. Et puis là, les policiers sont venus, ils ont tous attaché, ils ont saisi ses fruits, ses légumes. Et là, lui, hein, en contestation, par principe de liberté, hein, il s'est immolé. Hein, il a mis le feu, il s'est immolé. Et c'est à partir de cette immolation que les Tunisiens se sont soulevés pour réclamer la liberté et le départ du président Ben Ali. Abraham était prêt à ça aussi, hein? Il était prêt à ça, au prix de sa vie, de défendre ses convictions d'un Dieu monothéiste. En terminant, Abraham a eu l'intuition d'un Dieu unique. Et Dieu s'est révélé à lui. J'ai rencontré deux fois un homme à Arvida, le père de Daniel Saint-Laurent, qui en 1950, dans les années 50 à peu près, Napoléon Saint-Laurent, et qui me raconte, moi je l'ai rencontré en 1972, mais il me raconte son histoire. Comment, hein, bon, hein, c'est le catholicisme, il ne croit pas. Hein. Personne ne lui a parlé, il n'y a pas d'évangélique ou de protestant qui lui ont parlé. Là. Il a l'intuition que c'est pas ça. C'est pas ça. Mais il n'y a pas de Bible. Parce que dans le temps, la Bible était interdite au Québec. Hein, par notre honorable premier ministre, M. Duplessis. Alors, à un moment donné, un jour, les témoins de Jéhovah viennent frapper à la porte. Il ouvre la porte. Alors, puis là, il lui propose une Bible. Puis là, il leur dit, écoutez, oui, je veux une Bible. Procurez-moi une Bible. Alors, ils lui ont procuré une Bible. Quand ils sont retournés lui porter la Bible, il a dit, est-ce que je vous dois quelque chose pour la Bible? Non, non, on vous la donne. Ok, merci. C'est tout ce que je veux. Maintenant, vous, je ne veux plus vous voir. C'est la Bible que je veux. Je veux lire pour moi-même. Et là, il a lu la Bible. Et ce qu'il a retenu de la Bible, c'est le récit d'Abraham. Le récit d'Abraham. Puis il s'est dit, si Abraham a pu connaître Dieu et parler à Dieu, puis être appelé l'ami de Dieu, ben moi aussi je veux connaître le Dieu d'Abraham. Et puis ça a été des années comme ça, où il a vécu sa foi seul à la maison, avec sa femme, ses enfants. Et c'était un premier voyageur, du nom de Victor Lavoie, qui des années plus tard, l'a rencontré dans un restaurant, puis il a commencé à lui parler, puis il l'a introduit, hein, l'a emmené plus loin par rapport à la foi, telle qu'on la vit chez les protestants. Un autre ici, j'étais à la Sorbonne. Ça, c'est en 1974-75. Et puis, une dame de notre communauté qui vendait des produits de porte à porte avait donc dans un rang, on est à la sort, dans un rang. Puis là, elle rencontre un couple qui sont dans plus de 80 ans. Et puis, elle leur propose ses produits, mais c'est une femme qui parlait de Jésus à tout le monde. Alors, tout en vendant ses produits, ensuite, elle leur parle de Jésus. Et puis, eux disent, « Ah, mais c'est intéressant, parce que nous aussi, on connaît Jésus. » Ah ouais? Et là, ils racontent leur histoire. De comment que, un peu le même scénario que M. Saint-Laurent. Alors qu'ils sont un jeune couple, ils sont en train d'élever leur famille, ils ont l'intuition que la religion, c'est pas ça. C'est pas ça, là. C'est pas compliqué de mal. Et puis, des témoins de Jéhovah viennent les visiter. Même scénario. La Bible. Hein? Donnez-nous une Bible. Après vous la Bible, ok, merci, on ne veut plus vous voir. C'est la Bible qu'on veut. Et qui sont saisis par le même récit d'Abraham. Abraham qui parlait à Dieu. Abraham qui avait une communion avec Dieu. Et puis, ils ont dit, si Abraham a pu connaître Dieu de même, moi aussi, je veux connaître Dieu comme ça, comme Abraham l'a connu. Abraham, le père de la foi. Et quelques semaines après, la dame de l'Assemblée a dit tout. J'ai rencontré un couple, vraiment, là. C'est merveilleux que ça leur est arrivé. Puis, ça faisait longtemps de ça. Là. Pendant toutes ces années-là, ils avaient vécu avec seulement la Bible. Et puis, leur foi, que comme Abraham, eux aussi pouvaient marcher avec Dieu et communier avec Dieu. Alors, on va apprendre cette leçon d'Abraham la semaine prochaine.